L'actualité à Nancy et ailleurs. En parler peut tout changer, c'est ainsi que nous accueille le site www.ditesjesuislà.fr. Christophe Perroche, bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadeur Grand Est de l'association Dites Je suis là, une plateforme de prévention au suicide. Alors déjà, depuis quand existe cette plateforme ? Eh bien, cette plateforme, elle existe depuis bientôt 2 ans. Elle doit être née en octobre-novembre 2020. Donc c'est une très jeune association. Hein. Et qui a des ambassadeurs donc dans toutes les régions de France aujourd'hui ? Alors pas encore dans toutes les régions de France parce que l'association était encore très jeune. Il y en a aux 4 coins de la France. Là j'en profite déjà pour dire que voilà, si d'autres personnes veulent devenir ambassadeurs ou ambassadrices, elles sont les bienvenues. On va revenir justement sur cette question. Alors une plateforme de prévention au suicide, elle s'adresse à tout le monde ? Oui, cette plateforme, elle est dédiée à la prévention du suicide pour le grand public. Il n'y a pas d'âge pour parler de prévention du suicide. En tout cas, nous, on estime que la prévention du suicide, c'est à la portée de tous, mais avec une juste place pour chacun quand même. Et qu'est-ce qu'on trouve alors sur ce site ditesjesuislà.fr ? Alors ce site, à la base, il y a tout plein de messages clairs et validés scientifiquement. Hein. Dans l'association ditesjesuislà, il y a un comité scientifique qui valide tous les messages et qui permet à tout citoyen de devenir aidant auprès d'un proche qui irait pas bien psychiquement et qui serait potentiellement en crise suicidaire. Et devenir aidant, on le fait pas n'importe comment. Donc il y a des pistes, il y a des aides justement. Effectivement, les 3 grands pans, si on peut dire ça comme ça, du site internet, c'est pouvoir repérer les signes d'alerte au travers des émotions, des comportements, des messages qu'on peut avoir avec la parole. Après, c'est de permettre à cette personne qui veut aider quelqu'un en crise suicidaire de se demander « Est-ce que je suis là au bon moment, au bon endroit ? Est-ce que je suis dans le bon état d'esprit pour le faire ?» Et puis la troisième partie, c'est comment je deviens aidant. Encore une fois, à travers des messages clairs, simples, comment je peux aider quelqu'un, proche ou un peu moins proche, collègue, ami, parent, qui souffre psychiquement et qui serait encore une fois potentiellement en crise suicidaire. Cette association, elle est récente, hein, vous l'avez dit, 2 ans. Vous savez à partir de quel constat, parce qu'il y avait un manque de ce côté-là, d'accompagner les aidants justement. Et bien effectivement, la dernière campagne en santé mentale, elle date de 2008. Sur le sujet précis du suicide, c'est quelque chose dont on parle pas trop. On sait que c'est un tabou très fort dans la société. Et la stratégie nationale de prévention du suicide n'est pas si ancienne que ça pour permettre de parler de plus en plus de cette problématique qui touche tout, vraiment tous les âges. Le suicide fait pas de catégorisation. Hein. Elle peut toucher, comme je le disais tout à l'heure, un proche, un parent, un collègue. Je pense qu'on a tous eu à un moment ou à un autre quelqu'un dans notre entourage qui a pu avoir des idées suicidaires. Donc sur ce site, on va avoir quel genre de réponse alors ? On peut avoir un contact directement avec des personnes de l'association ? Au travers des 3 pans dont je parlais tout à l'heure, c'est vrai que la plateforme n'a pas de ligne d'écoute. On redirige après les personnes si elles ont besoin d'aide. Alors au travers de numéros tout simples, hein, puisqu'il y a quand même un endroit sur le site où c'est marqué « s'il y a une urgence », cliquez à cet endroit. Les services classiques, c'est le 15, les médecins généralistes, les centres médico-psychologiques. Et pour ceux, on a mis en place un annuaire. Donc quel que soit l'endroit où vous êtes en France, vous allez sur cet annuaire et on vous donnera toutes les ressources directes ou indirectes pour permettre de vous faire aider si à un moment ça vous pose une difficulté. Par département aussi. Par département, oui. Et cet annuaire est mis et remis à jour tous les 6 mois environ. Et puis on a intégré dans cet annuaire depuis maintenant octobre l'année dernière le 3114. Le 3114, pour expliquer quel est ce numéro ? Alors le 3114, ça fait partie de la stratégie nationale de prévention du suicide où on a accès 24 heures sur 24 à des infirmiers, infirmières ou psychologues formés à l'écoute des gens qui seraient en souffrance psychique et qui auraient aussi potentiellement des idées suicidaires. Ou alors en étant un proche aussi. Oui, c'est effectivement, ce numéro s'adresse à tous les gens qui seraient en souffrance et qui auraient besoin d'aide directement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout en France. Et puis après, aux proches qui seraient en difficulté, on peut demander un conseil auprès de ces soignants qui œuvrent tout le temps aussi, comme nous, pour la prévention du suicide. Vous êtes ambassadeur pour la région Grand Est. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes engagé dans cette voie de faire connaître l'association Dites Je suis là ? Alors ça, c'est une super question. C'est vrai que, en fait, la problématique de suicide me touche depuis très très longtemps à titre personnel, à titre professionnel aussi, puisque en tant qu'infirmier, c'est mon travail de tous les jours d'accompagner des personnes qui vont pas bien. Et puis, je suis formateur à la prévention du suicide depuis 6 ou 7 ans maintenant. Donc voilà, ça, c'était encore un autre endroit où je pouvais mettre toute mon énergie, comme tous les bénévoles qui sont encore peu nombreux de l'association Dites Je suis là, pour surtout déstigmatiser tout ce qui touche le suicide. Et puis pour dire surtout, la démystifier, une légende urbaine qui consiste à penser que parce qu'on parle à quelqu'un de suicide qui va potentiellement passer à l'acte. Voilà. Et ça, c'est pas du tout dangereux de dire à quelqu'un, écoute, à un moment, est-ce que tu vas pas bien? Est-ce que tu as eu des idées suicidaires? Voilà, le seul risque qu'on prend à parler à quelqu'un d'idées suicidaires, encore une fois, si on se sent la capacité d'en parler, parce que c'est pas toujours forcément facile, le seul risque qu'on prend, c'est de lui sauver la vie. Et ça, comme risque, voilà, c'est plutôt pas mal. Libérer la parole, c'est la première étape pour aller mieux? Oui, oui, ça c'est important. On sait très bien en tant que professionnel, pour ce qui est mon cas, qu'à partir du moment où on essaye de mettre en mots, MOTS, les mots de quelqu'un, MAUX, autour de la souffrance psychique ou autour du suicide, que déjà, voilà, ça permet à l'autre de se libérer d'une certaine pression, de dire, voilà, là j'ai pu le dire, là j'ai pu en parler. Il reste après à accompagner cette personne voilà, vers quelque chose de plus adapté si elle venait à avoir besoin d'aide en fonction de où elle est dans la crise. Une première étape, c'est donc ce site aussi, hein, www.ditejesuisla.fr de l'association Dites Je Suis Là. Comment aider l'association aujourd'hui et comment vous aider? Comment aider l'association? Alors, c'est certainement en la rejoignant, parce que voilà, on cherche des personnes un peu partout en France pour nous aider à continuer d'en parler, à briser le tabou, à permettre à cette grande cause d'avoir des aidants, elle aussi. Et puis pour nous permettre, là je rebondis sur ce qu'il y a sur le site, de parler, de mettre en place toutes les campagnes de sensibilisation qu'on a montées pour des populations cibles. Le suicide, c'est bien d'en parler, c'est bien de briser le tabou, mais on ne peut pas en parler de la même manière pour toutes les populations. Donc voilà, nous, une de nos missions, c'est aussi de mettre des campagnes de sensibilisation en place, comme on l'a fait pour les jeunes, à destination de 50 campus en France, comme on est en train de faire pour les agriculteurs, et même les jeunes agriculteurs, voilà, pour qui c'est très difficile, comme on l'a fait aussi pour la population LGBT. Voilà, et tout ça, c'est nous aider à en faire la promotion, à contacter les élus, les dirigeants associatifs, moins associatifs, pour continuer d'en parler. www.ditejesuisla.fr. Un dernier mot pour les auditeurs, pour les inciter à libérer la parole et à s'engager aussi. En parler peut tout changer, voilà. C'est la devise de l'association, donc continuons d'en parler ensemble, parce que voilà, la prévention du suicide, c'est l'affaire de tous, avec une juste place pour chacun. Merci beaucoup Christophe Perroche. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.